Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO et plus précisément ce 50e numéro inédit de la boîte à BO avec pour l'occasion une émission spéciale Steven Spielberg et John Williams. Et pour co-animer cette émission, Francine toujours fidèle au rendez-vous. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce duo Steven Spielberg-John Williams ? Alors oui Jérôme, comme Sergio Leone et Ennio Morricone, Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann, Federico Fellini et Nino Rota et Christopher Nolan et Hans Zimmer, le duo Spielberg-Williams est si fusionnel qu'on imagine mal les films de l'un sans les musiques de l'autre. Ainsi, la très grande majorité des bandes-sons des films de Spielberg ont été signées par John Williams. Les deux comparses se rencontrent pour la première fois en 1974 pour Sugarland Express. Leur collaboration est consacrée par un Oscar l'année suivante avec Les Dents de la Mer. S'ensuit une relation quasi exclusive entre le compositeur et le réalisateur, une complicité de près de 50 ans et qui donne des airs inoubliables. Eh bien Francine, on se retrouve donc dans quelques instants pour retrouver les BO les plus marquantes de leur collaboration. Alors en 1972, Steven Spielberg a 26 ans quand il prépare son premier donc long métrage Sugarland Express. Et pour la musique, il veut convaincre John Williams, 40 ans, alors en plein boom à Hollywood. Sa bande originale pour l'aventure de Poséidon est un succès populaire et son travail pour Un violon sur le toit, de un film de Norman Jewison, lui rapporte le premier de ses 5 Oscars. Fils d'une mère pianiste, lui-même clarinettiste amateur, Spielberg connaît bien la musique. Et en 1972, l'agenda de John Williams est rempli de commandes pour la télévision ou le cinéma. Mais quand Spielberg le contacte, il trouve donc un créneau pour rencontrer ce jeune cinéaste capable pour l'inviter à déjeuner dans un restaurant huppé de Beverly Hills. Et séduit par le script et l'enthousiasme du jeune homme, le compositeur accepte donc alors de signer la BO de Sugarland Express, prix du scénario au Festival de Cannes de 1974 et qui inaugure donc la carrière de Spielberg et leur fructueuse collaboration. Alors écoutons donc tout de suite un court extrait de cette première donc collaboration. Alors passons maintenant à la BO des Dents de la Mer de 1975. C'est une blague, quand John Williams se met au piano pour jouer deux notes qui se répètent, mi fa, mi fa, mi fa, Spielberg se demande si le compositeur ne se moque pas de lui. Deux notes pour illustrer les Dents de la Mer, et oui, c'est son coup de génie, incarnation terrifiante du requin qui n'apparaît pas à l'image. En ouverture du thème principal, le contrebasson illustre la profondeur des océans. Puis les cordes enroulent le fameux mi-fa qui monte en tension, une double évocation du requin fondant sur sa proie et nos battements de cœur que la peur accélère. Plus loin, des attaques de cuivre tranchent la partition comme les dents dans la chair. En fermeture, un fondu signale l'éloignement de la menace et la promesse de son retour. Alors justement, Francine, sais-tu que le requin justement mécanique qui s'appelait Bruce fut en panne pendant près de 90% du tournage, obligeant Spielberg à réduire donc au minimum sa présence à l'écran. Et comme tu l'as signalé, le fameux mi-fa de John Williams se trouva être bien plus angoissant que le prédateur donc lui-même. On comprend mieux ici donc l'importance donc de la musique pour un film. Alors Jérôme, Les Dents de la Mer rencontre un incroyable succès à sa sortie. Il est le premier film de l'histoire du cinéma à dépasser le cap symbolique des 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Il finit sa carrière avec 260 millions de dollars sur le marché américain et 210 millions dans le reste du monde pour un budget initial seulement de 12 millions de dollars. Actuellement, elle figure à la 56e place du box-office historique mondial, voire à la 7e place si l'on tient compte de l'inflation. Alors, deuxième Oscar pour John Williams et Cauchemar pour tous, on écoute les BO de, la BO des Dents de la Mer. Voilà, c'était donc Les Dents de la Mer, donc signé John Williams. Alors passons maintenant au film Rencontre du troisième type qui a été réalisé par Spielberg en 1977. Alors 2 ans après Les Deux Notes des Dents de la Mer, John Williams en articule 5 dans Rencontre du troisième type Ré, Mi, Do, Sol, joué donc par des extraterrestres gris sur le synthétiseur de leur vaisseau spatial. La suite donc transmet aux terriens un amical Hello. Quiconque a posé ses mains sur un clavier s'est amusé à reproduire donc ce mouvement. Alors cette année-là, en 1978, John Williams est nommé 2 fois aux Oscars pour Rencontre du troisième type. Mais John Williams a gagné la statuette cette année-là avec un autre film, La Guerre des Étoiles. Oui, c'est assez rare en fait, effectivement, pour le signaler, Francine. Alors retrouvons donc un extrait donc de la BO de ce film, donc Rencontre du troisième type. Thank you. Donc, après cet extrait de Rencontre du troisième type, passons maintenant aux Aventuriers de l'Arche perdue, tournée en 1981. Donc, à la baguette du puissant London Symphony Orchestra que dirige John Williams devant l'écran, pour être au plus près du rythme des images, il signe une partition aussi épique que le film. La partition surligne chaque scène en ajoutant du suspense au suspense, du grandiose au grandiose, de l'humour à l'humour et de l'émotion à l'émotion. Une symphonie magistrale, pourtant vaincue aux Oscars par Vangelis et ses chariots de feu. Retrouvons tout de suite un extrait de la musique de ce film. C'était donc la bande originale du film, donc Les Aventuriers de l'Arche perdue. Passons maintenant donc avec donc un nouveau succès, parce que les succès s'enchaînent pour le duo Spielberg-John Williams, puisque un an plus tard, c'est à nouveau le triomphe avec E.T., donc l'extraterrestre, réalisé en 1982. Alors donc, 5 ans après Rencontre du troisième type, Spielberg renouvelle son rêve d'une amitié entre un jeune garçon et un extraterrestre, toujours en compagnie de Williams, désormais au sommet de sa gloire. Steven Spielberg admirait John Williams au point que, contrairement à tous les usages, il adapta le montage final du film à la partition musicale. Comme il disait, sa musique dépasse immédiatement le cerveau pour vous aller droit au cœur. Alors retrouvons un extrait très connu, bien sûr, de la BO de ce film, donc E.T. l'extraterrestre. « collaboration, donc Spielberg et Williams, avec La liste de Schindler de 1993. Alors, quand Steven Spielberg lui projeta les images de La liste de Schindler, John Williams fut bouleversé et il ne se sentit pas capable d'en signer la musique. « Tu as besoin d'un meilleur compositeur que moi pour un tel film. » À quoi le réalisateur répondit « Je sais, mais ils sont tous morts. » Sur un sujet, la Shoah lui imposant une sobriété qu'on ne lui connaissait pas, John Williams signa notamment un thème principal bouleversant, son piano accompagnant le violon d'Isaac Perlam, dont le nom avait été suggéré par Spielberg lui-même. Et oui, et cette BO est l'une de mes BO préférées, de Francine, avec la BO de Cinéma Paradiso, signée Ennio Morricone. Et tu ne seras pas surprise d'apprendre, Francine, que John Williams décrocha en 1994 le cinquième et le dernier à ce jour de ces Oscars, certainement donc le plus donc chargé en émotion. Tout à fait, Jérôme. Donc retrouvons cette émouvante BO de La liste de Schindler. Voilà, et donc en sachant donc John Williams donc accompagne donc Isaac Perlman. Voilà, ainsi s'achève ce numéro spécial de la boîte à BO, ce 50e numéro inédit avec ce spécial Spielberg, dont John Williams. Alors j'espère que cette émission vous a plu. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur le site donc Facebook de Fadjet, et puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien Francine, on se retrouve la semaine prochaine. Oui Jérôme, tout à fait, à la semaine prochaine. Allez, passez d'ici là une excellente semaine et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.